Un voile dont recouvre la nuit. Les pas résonnent comme des échos enfouis. Riders qui l'avance, ses yeux percent la brume. Chaque souffle grave nourrit l'infortune. Et mûre expire, le danger rapproche. Chaque battement de cœur martèle ma roche. Riders qui marche. Le sol tremble au loin, le mystère s'étend, guidé par sa main. Les ombres s'agitent, les voix murmurent, chaque lumière vacille, chaque cri sature, la tension s'élève, la vérité s'écrit. Riders qu'il poursuit, invincible, aguerri. Chaque souffle perce, chaque instant brûle. Riders qui l'avance, l'ombre recule. Chaque mot s'imprime, chaque pas bascule. La tension monte, la foule retient son cri. Les basses grondent, la peur se nourrit. Riders qui surgit, porté par le destin. La nuit s'éclaire. S'effondre, les cris sont durs. Riders qu'il persiste, l'ombre s'efface, la lumière s'ouvre, la peur se tasse. Les voix s'élèvent, les larmes grondent. Chaque victoire éclaire ce monde. Riders qu'il triomphe, son nom résonne. Dans l'obscurité, une flamme se donne. Qu'il veille, son souffle atteste. Chaque cri, chaque note grave une mémoire. Le suspense de demeure inscrit.